message in a bottle. Message in a bottle. C'est que le refrain. Refrain en solo. s'appelle Titi. Bon, c'était une adaptation un peu trafiquée. Attention à la prochaine.